Bonjour. Je vais vous présenter donc en quelques minutes la façon dont notre syndicat essaye de mettre en mouvement son territoire pour développer une stratégie d'économie circulaire. Je dis essaye parce qu'on est au début hein, et on verra au résultat. Et puis essayer de répondre à la question qui était posée pour faire un lien avec le POS, comment un syndicat de collecte et traitement de déchets peut contribuer à la transition énergétique. A priori, c'est pas lié et on va voir qu'en fait, ça l'est. Alors, un mot sur notre territoire. On est situé en Gironde, au nord-est de la Gironde. Vous voyez au nord, exactement un peu plus au nord que la Cube. On couvre 200 000 habitants répartis sur 141 communes. On collecte l'équivalent du poids d'une tour Eiffel tous les mois, ce qui n'est finalement que 10% de ce qui est produit sur un territoire, parce que si on y ajoute tous les produits, les activités industrielles et de l'agroalimentaire, on serait alors à une tour Eiffel tous les 3 jours produit sur le territoire. Mais donc voilà, ça représente quand même des masses très importantes de déchets. Nous sommes exactement à mi-parcours du recyclage. Une tonne sur deux que nous collectons est recyclée sous forme matière ou organique. Alors, on est très en avance sur le Grenelle, mais enfin, il en reste encore une sur deux qui ne l'est pas. Donc c'est dire tout ce qui reste comme potentiel. Nous sommes 250 parce que nous travaillons pour partie en régie, avec un budget de près de 40 millions d'euros. Et dans les domaines qui nous concernent aujourd'hui, je donne 3 exemples d'actions concrètes. Nous fabriquons depuis 1 an de la plaquette bois énergie. Alors, nous avons une activité de compostage avec une très grosse plateforme de compostage où on traite 20 000 tonnes de déchets verts et 1 000 tonnes de biodéchets. Et pour ceux qui connaissent le process, même pour les autres d'ailleurs, à la fin du process de compostage, qui dure quelques mois, on crible pour pouvoir vendre un amendement organique à une granulométrie de 20 mm. Hein, pour avoir un amendement organique utilisable en viticulture. Et donc, on se retrouve à la fin du process avec du bois, 3 000 tonnes en ce qui nous concerne. Compte tenu des quantités, on ne pouvait pas le retraiter. Jusqu'à présent, nous payons son élimination sur d'autres plateformes ailleurs. Et depuis 1 an, on retravaille ce produit-là et on le vend en qualité de plaquette bois à une distillerie qui est à 10 minutes de chez nous et qui l'utilise dans sa chaudière. Et pour aller au bout... C'est sur une commune qui s'appelle Coutras. Alors nous, notre site est à Saint-Denis-de-Pile et à Coutras, donc il y a 7 distilleries. On a également une déchetterie. Et donc le matin, les camions partent avec la plaquette bois, livrent la distillerie et reviennent avec les déchets verts de la déchetterie. Comment boucler la boucle? Ça n'est qu'un exemple. Nous avons nous-mêmes, à l'occasion de la rénovation d'un autre site que notre site principal, fait le choix d'une chaudière bois pour une activité interne. Donc forcément, quelque part, on contribue à l'usage d'une ressource locale. Et puis, on est en train de faire un test avec Wateco. Alors, nous trions avec les emballages des papiers, plus de 5 000 tonnes de papier, ça représente un gros semi par jour, qui partent en Espagne, à Saragosse. Donc, Wateco, lui, tous les jours, il va passer un camion du Smigval, affrété par le Smigval, avec 20 tonnes de papier qui lui passent sous le nez, et puis le camion fait 500 km de plus. Alors évidemment, c'est assez logique de se dire, c'est quand même bien dommage. Sauf que notre papier qu'on envoie en Espagne, c'est un papier en mélange. Et que les décharges de Wateco, ben, ce n'est pas du papier en mélange, c'est un papier plus spécifique, des journaux en particulier. Donc on est en train de travailler à un surtri du papier pour voir dans quelles conditions techniques et économiques, hein, parce qu'on n'est pas non plus des rêveurs, on équilibre tout ça, on pourrait alimenter pour partie l'usine de Wateco dans les Landes, l'idée étant effectivement de plutôt privilégier l'activité locale que les grands déplacements. Voilà 3 exemples et on verra en conclusion tout à l'heure qu'on pourrait faire bien plus. Un mot sur la stratégie économie circulaire que l'on souhaite développer sur notre territoire. En tout cas, c'est notre proposition de service à l'ensemble de notre territoire. Nous sommes composés de 11 intercommunalités. Donc imaginez, hein, compétition entre territoires et tout ça, ça existe comme partout. Et pourtant, on essaye de réunir autour d'une bannière Smigval un dynamisme pour que chacun œuvre dans le même sens. Alors, on ne dit pas qu'on sera maître d'ouvrage de tout, on sera probablement d'ailleurs maître d'ouvrage de pas grand-chose, puisqu'on n'a pas de compétences dans le domaine de l'énergie, etc. Par contre, on veut être un peu les aiguillons du territoire et mettre autour d'une table des acteurs qui habituellement se connaissent, mais enfin, se côtoient sans se connaître réellement. Les entreprises ne travaillent pas avec les collectivités. Les entreprises entre elles, pas si simplement non plus. Et on a des mondes comme ça qui se côtoient sans travailler ensemble, alors qu'on se rend compte que bah, les déchets des uns pourraient être les ressources des autres. Alors la finalité de notre démarche, c'est bah, créer de l'emploi, hein, il n'y a pas à tortiller, quoi. Préserver les ressources. On parle souvent de la fin du pétrole, etc. Mais c'est vient à l'avenir également la fin des métaux, par exemple. Et de toute façon, on a des modes de vie, maintenant je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, très prédateurs des ressources. Et l'enjeu, c'est évidemment d'avoir une consommation de ressources plus modeste avec les niveaux de vie qui sont les nôtres. Et puis la troisième finalité, c'est d'améliorer ou de participer ou de contribuer ou de donner les moyens aux entreprises d'améliorer leur compétitivité. On sait que les déchets et l'énergie ont un poids très important dans leur fonctionnement. Et on sait que c'est également un enjeu même de localisation pour une entreprise que d'essayer de maîtriser ces flux-là. Donc on pense qu'on peut y contribuer. Ce que l'on cherche à faire très concrètement sur le territoire, c'est d'abord de rentrer dans le vif du sujet de l'économie circulaire. Hein, l'ADEME, je ne vais pas revenir dessus, on a temps, mais on donne une définition assez large avec le développement du réemploi, à produire moins de déchets, c'est déjà la base, accroître les efforts de recyclage matière et organique et aller dans le sens de ce qu'on appelle, je prends le terme, même s'il n'est pas forcément très imagé, aller vers l'écologie industrielle territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer, comme on le fait avec notre distillerie, de repérer sur un même territoire des productions de déchets qui embêtent un peu tout le monde et des besoins. Essayer de créer des paires de l'un avec l'autre. Alors nous, on l'a fait, un exemple de paire, c'est le Smigval et les bois du Smigval avec la distillerie. On peut, sur un territoire, créer des dizaines et des dizaines de paires. Mais pour ça, il y a des méthodes, il faut les mettre en œuvre. Si on ne le fait pas, on est à peu près sûr que rien se fera. On peut très bien, et nous on en découvre tous les jours, à 1 km de notre site de production, on a une tonnellerie qui a 5 000 tonnes de chutes de bois qui partent en Charente, pas trop pourquoi en Charente d'ailleurs, qui passent sous le nez des chaudières du Conseil Général à 10 minutes de là, et qui sont des chaudières à bois. Enfin voilà, on sent qu'il faut créer des synergies entre tous les acteurs. Donc le premier axe, ça sera de continuer à travailler sur le domaine du réemploi, du recyclage, etc. Favoriser l'implantation d'activités locales. Bah, si on veut de l'emploi, il faut que on ait de la création d'activités sur notre territoire si possible ou dans un cercle proche. Et puis enfin, conjuguer déchets et transition énergétique, parce qu'on sait bien que c'est l'un des grands enjeux environnementaux du siècle, hein, peut-être avec la biodiversité. Et on prétend que même dans nos compétences propres, qui ne sont que des déchets, on peut être un acteur de la transition énergétique. Alors, je termine par une diapo pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en mouvement notre territoire. D'abord, on va essayer, alors c'est un grand mot, je sais, il ne me plaît pas trop, mais on n'a pas trouvé un autre, animer une gouvernance, c'est-à-dire un pilotage, une volonté politique de notre territoire à trois niveaux. Le premier niveau, un conseil territorial, où se retrouveront l'ensemble des élus, des acteurs socio-économiques, des associations, 2 fois par an, pour dire ensemble finalement oui, on veut travailler ensemble, oui, on se reconnaît derrière ce projet-là, oui, on prendra chacun notre part de ce projet-là. Encore une fois, ce n'est pas nous qui allons tout faire, on va simplement essayer de faire se réunir les acteurs. Évidemment, ce n'est pas à 500 on imagine très bien 500 personnes, et ce n'est pas à 500 qu'on est dans l'action. Donc, deuxième niveau de gouvernance, un réseau local opérationnel, la réunion en fait d'une dizaine d'experts avec des compétences complémentaires dans le domaine du déchet, de l'énergie, du développement économique, de l'ingénierie foncière, quelques comités de communes, quelques expertises pour lancer les études, suivre les bureaux d'études et apporter et faire avancer les dossiers. Et puis ensuite, une dernière étape, c'est la cellule de frappe. Alors, le conseil territorial et le réseau local, c'est créer des opportunités pour essayer d'accroître l'activité, de faire venir des entreprises. C'est créer l'opportunité, mais parfois il y a des propositions ou des sollicitations d'entreprises qui seraient prêtes à venir s'implanter, mais il faut répondre en 10 jours sur tel bâtiment, telle disponibilité de terrain. Et sur un territoire comme le nôtre, les forces sont extrêmement clairsemées. Une entreprise qui veut s'installer, où est-ce qu'elle, à quelle porte elle frappe, c'est pas simple. La mairie, le conseil général, le conseil régional, la CCI, chambre de métier, enfin bon, c'est un peu. Voilà, nous, ce qu'on propose de faire, c'est de se réunir en tant que de besoin pour répondre à des opportunités qui se présentent à nous. C'est vraiment créer l'opportunisme, c'est être l'avant-centre devant le but pour mettre le but quand le ballon passe, quoi. On a 1 à 2 fois par an des opportunités comme ça, c'est pas la peine de les laisser passer. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? D'avoir des études. Si on ne sait pas ce qu'on a à faire, on n'est pas prêt d'agir, ou alors on pourrait agir au hasard. c'est faire des études d'opportunité. Une, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça coûte pas forcément de l'argent, hein. Vous avez, on a la chance, nous, d'avoir l'accès à la ressource, c'est la nôtre. Enfin, c'est la nôtre, c'est celle, elle est produite par les communes, par les ménages, mais on la gère. Donc, on en reste maître. Et donc, on peut, entre guillemets, s'amuser avec, faire des tests, mettre un peu d'argent sur des tests de surtri ou de tri différents. Bon, alors ça marche pas, mais au moins, on peut faire ces études-là. Et puis, compléter par des études de flux, notamment. Comment mettre en œuvre cette fameuse écologie industrielle territoriale? Ben, c'est de façon très ciblée sur un thème, sur une partie du territoire, se dire on va essayer de étudier le gisement, par exemple une étude biomasse, le gisement biomasse d'un territoire pour essayer de répondre à un besoin qui est exprimé par un acteur. Ça peut être par exemple GRDF qui vient me voir en disant un projet, je suis prêt à m'investir pour. Ou à investir pour aller vers l'injection dans le réseau, un autre partenaire qui dit je suis prêt à venir m'implanter, je dis des choses qui nous sont arrivées, hein. Prêt à venir m'implanter dans un projet industriel et agroalimentaire, mais je voudrais avoir la garantie d'une énergie stable sur plusieurs années. On peut envisager de travailler ensemble si, et pour ça nous demande par exemple d'essayer de réunir le gisement de bois disséminé sur l'ensemble du territoire pour donner des garanties à l'entreprise. Voilà des exemples d'écologie industrielle, mais pas trop fumeuse, très ciblée ou très sectorisée. Et puis on va essayer de créer également un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises. On a des, comme vous probablement, en collectivité pour ceux qui en sont. Parfois des porteurs de projets. Alors, au téléphone, c'est d'abord un projet, puis vous les rencontrez, c'est souvent que des vagues idées. Mais finalement, c'est quand même beaucoup d'opportunités et des gens qui sont dans la nature avec des envies, mais qui savent pas, ils sont devant un plat de spaghettis, ils savent pas comment prendre le truc. Alors, il faut qu'on crée les conditions d'un accompagnement pour passer de l'idée au projet, du projet à la réalisation. Et avant tout ça, on travaille, et notamment avec le bureau d'études parmi nous qui est là, pour essayer de créer les conditions pour agiter le territoire et faire émerger des envies. Il y a des porteurs de projets, mais qui sont tapis, qui n'osent pas ou qui savent pas qui aller voir. Bah, l'idée, c'est de réfléchir aux conditions justement pour donner envie sur notre territoire. Alors, dans le domaine de l'énergie, la première action que nous, on peut faire, c'est de diminuer l'énergie nécessaire à la production de produits. Comment? On sait très bien maintenant que grâce au recyclage, on consomme moins d'énergie. Fabriquer une bouteille en verre, ça nécessite beaucoup moins d'eau et d'énergie si on utilise une bouteille en verre déjà utilisée que de repartir de silice. Bah, c'est vrai pour tous les produits de consommation. Donc plus on accentue le recyclage matière et plus on contribue à la réduction de la consommation d'énergie. On a chez nous 1 tonne sur 2 recyclée, mais il y a bien des filières qu'on peut encore développer, et c'est notre travail actuellement, hein, le plâtre, les films plastiques, les plastiques rigides, là, etc., etc., j'en passe. Il y en a des wagons. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a eu 20 ans de travail sur le recyclage, bon, ça a bien progressé, mais il en reste tout autant devant nous. On peut ensuite essayer de produire des matériaux utilisés comme produits de construction de consommation. L'exemple de la boîte de cellulose est là, avec du papier, faire de la boîte de cellulose qui va rentrer dans des bâtiments pour contribuer à l'isolation. Si on arrive d'une part à fabriquer de la boîte de cellulose et ensuite faire revenir sur le territoire les produits comme isolants de bâtiments publics, bon, bah, je pense que on doit pas être intuitivement, ça ne doit pas être tout à fait idiot. Mais on peut aller plus loin avec le plâtre. Hein, et on a un premier succès dans notre démarche, puisqu'on a un industriel qui vient s'implanter sur notre territoire, dans la même commune d'ailleurs que la distillerie, pour implanter une usine de recyclage du plâtre. En gros, toutes les plaques de plâtre issues de la déconstruction des bâtiments vont être reprises par cette usine-là, qui va en extraire le gypse, qui lui resservira à faire du plâtre et repartir dans le bâtiment. Mais on peut imaginer également le réemploi des huisseries et tout ça. Ça se fait dans d'autres départements en France, pas chez nous. Voilà tout un tas de pistes de produits. Et on a accepté également de participer modestement à un projet qui est soutenu par la région, qui s'appelle Cyclabat, et qui va dans ce sens-là, dont l'idée est d'essayer de repérer des déchets qui pourraient être utilisés plus encore qu'aujourd'hui, dans la construction de bâtiments neufs. Quand on sait l'enjeu de la construction en France, on se dit que c'est forcément une bonne idée que d'aller dans ce sens-là. On peut également, de notre point de vue, alors on va le faire, c'est pas nécessairement à nous de le faire, mais vu qu'on ne constate pas que ce soit fait ailleurs, bon, on va le faire. Une étude de veille technologique. Nous, ce qui nous avait. Enfin, moi, ce qui m'avait. J'ai eu pas deux chocs, c'est un grand mot, le mot choc, mais deux surprises quand j'ai rencontré ce Tognutti la première fois. C'est d'abord de découvrir ce process que moi, je ne connaissais pas, en se disant, bah, tiens, c'est bon. Et la deuxième surprise, c'est de se dire, mais malgré tout, on a l'impression que c'est extraordinaire et génial. Alors, ça l'est probablement, sauf que ça fait quand même 70 ans que ça existe. Et des procédés comme ça, qui utilisent le déchet comme matière première de construction ou de fabrication, mais il en existe bien d'autres. Au Canada, j'ai sous le coup de la 15 technologies qui n'ont rien à voir avec la boîte de cellulose, qui utilisent un déchet pour produire un produit de consommation ou de construction. Bah, l'idée, c'est de lancer une étude de veille pour décrire ces technologies, savoir quelle est leur zone de vie, hein. Est-ce que c'est 100 000 habitants, 3 millions d'habitants, et voir dans quelles conditions on ne pourrait pas essayer d'attirer sur notre territoire de tels marchés. Alors évidemment, on ne fera pas des choses comme ça tout seul, hein. C'est plutôt le boulot de l'ADEME, de la région, etc. Mais on le propose à nos partenaires pour être suivis avec nous, et même s'ils voulaient prendre la main, pourquoi pas, mais pourvu que ça se fasse. Ensuite, dans le domaine, je termine, c'est la dernière diapo. On peut également produire de l'énergie à partir de gisements organiques, à partir de méthanisation, j'en parlerai pas parce que ça va être évoqué maintenant. On va lancer deux études de flux sur notre territoire pour fabriquer du méthane à partir de biomasse, puisqu'on a des demandeurs, des porteurs de projets. Et puis on va essayer aussi d'aller vers la fabrication de combustible, alors plus qu'essayer, puisqu'on le fait déjà, la plaquette bois, on le fait, mais on peut l'accentuer. Et puis aller vers un nouveau combustible qui s'appelle le combustible solide de récupération, qui est la fabrication d'un combustible qui ressemble un peu à du confetti, qui est issu de refus de tri de déchets, pour non pas aller chez nous en enfouissement, mais plutôt alimenter des process industriels et se substituer à des produits, à des hydrocarbures. On l'a fait sur notre territoire avec des encombrants et des refus de tri. Ça marche techniquement. C'est pour l'instant trop cher pour le justifier, mais ça va venir. On peut ensuite être prescripteur en étant exemplaire nous-mêmes. Hein, la commande publique, c'est 10% du PIB. Donc, on voit bien qu'à travers nos appels d'offres, hein, Monsieur Tognutti nous le rappelle souvent, on est quand même acteur de notre territoire en achetant. Et à travers les actes d'achat, on peut impulser des politiques ou faire la promotion, essayer de promouvoir des produits. Alors, on sait qu'on est bordé, hein, on ne peut pas acheter localement. Si on décide d'acheter localement, c'est compliqué que ça. Il y a quand même un code des marchés publics. Mais enfin, on peut faire plus qu'on ne croit et moins qu'on voudrait. Voilà, je crois que c'est ça. On peut aussi construire, maintenant on le doit, mais nous on l'a fait avant que ce soit obligatoire, construire RT 2012, intégrer les énergies renouvelables sur notre patrimoine. Enfin, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Donc, c'est vrai aussi pour tout le monde. Et enfin, j'en termine par là. Assez curieusement, on ne parle jamais d'un dispositif qui est quand même important, le dispositif des certificats d'économie d'énergie. En tant qu'acteur public, on peut en bénéficier, et pas très connu en réalité, plus complexe que connu. Donc, plus on en fait la promotion et plus on fait la promotion des opérations qui vont avec, c'est-à-dire toutes ces opérations de maîtrise de l'énergie. Le dispositif est là pour les encourager. Voilà. Donc, on en a bénéficié, nous, pour notre chaudière, par exemple. Et si plus de collectivités connaissaient le dispositif, elles penseraient peut-être à d'autres process plus vertueux en termes d'économie d'énergie, si elles pouvaient avoir accès à ce dispositif. Voilà, je vous remercie.